Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. 10e épisode. Valmont, après avoir enfin séduit Madame de Tourvel, lui a envoyé une lettre de rupture cinglante que lui a dictée la marquise de Merteuil. Il réclame à cette dernière une nuit d'amour, comme prix de ses exploits et de son sacrifice. Lettre 144. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 28 novembre. Hier, à 3h du soir, ma belle amie, impatient de n'avoir pas de nouvelles, je me suis présenté chez la belle délaissée. J'ai appris que Madame de Tourvel était sortie le matin avec sa femme de chambre, qu'elle s'était fait conduire au couvent et qu'elle avait renvoyé sa voiture en faisant dire qu'on ne l'attendit pas chez elle. Assurément, c'est se mettre en règle. Le couvent est le véritable asile d'une veuve, et si elle persiste dans cette résolution, je joindrai à toutes les obligations que je lui ai déjà celle de la célébrité que va prendre cette aventure. Adieu, ma belle amie. Revenez donc au plus tôt jouir de votre empire sur moi, en recevoir l'hommage et m'en payer le prix. Lettre 145. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 29 novembre. Sérieusement, vicomte, vous avez quitté la présidente ? Vous lui avez envoyé la lettre que je vous avais faite pour elle ? En vérité, vous êtes charmant, et vous avez surpassé mon attente. J'avoue de bonne foi que ce triomphe me flatte plus que tous ceux que j'ai pu obtenir jusqu'à présent. Mais ce n'est pas sur elle que je l'ai remporté, c'est sur vous. Voilà le plaisant, et ce qui est vraiment délicieux. Oui, vicomte, vous aimiez beaucoup Madame de Tourvel, et même vous l'aimez encore, vous l'aimez comme un fou. Mais parce que je m'amusais à vous en faire honte, vous l'avez bravement sacrifié. Vous en auriez sacrifié 1000 plutôt que de souffrir une plaisanterie. Où nous conduit la vanité? Le sage a bien raison quand il dit qu'elle est l'ennemi du bonheur. Adieu. Malgré mes querelles, mes malices et mes reproches, je vous aime toujours beaucoup. Et je me prépare à vous le prouver. Au revoir, mon ami. Lettre 147. Madame de Volanges à la marquise de Rosemonde, ce 29 novembre. Vous serez sûrement aussi affligée que je le suis, ma digne amie, en apprenant l'état où se trouve Madame de Tourvel. Elle est malade depuis hier. Une fièvre ardente, un transport violent, une soif qu'on ne peut apaiser. Voilà tout ce qu'on remarque. Les médecins disent ne pouvoir rien pronostiquer encore, et le traitement sera d'autant plus difficile que la malade refuse avec obstination toute espèce de remède. Adieu, ma digne amie. Je vais retrouver la malade. Lettre 148. Le chevalier Danceny à Madame de Merteuil, ce 1er décembre. Ô vous que j'aime, ô toi que j'adore, ô vous qui avez commencé mon bonheur, ô toi qui l'as comblé, ô mon ami, sois heureuse, c'est la prière de l'amour. Et quel reproche avez-vous donc à vous faire? Je sens dans mon cœur qu'il n'y a eu entre nous deux d'autres séducteurs que l'amour. Ne crains donc plus de te livrer aux sentiments que tu inspires, de te laisser pénétrer de tous les feux que tu fais naître. Hier même, malgré la vive émotion que me causait l'idée de votre retour, je croyais pourtant n'être encore appelé ni conduit que par la paisible amitié. Et tous deux, nous n'avons reconnu l'amour qu'en sortant de l'ivresse où ce Dieu nous avait plongés. Non, tu n'as pas trahi l'amitié, et je n'ai pas davantage abusé de ta confiance. Adieu, toi que j'adore. Je te verrai ce soir, mais te trouverai-je seul? Je n'ose l'espérer. Ah, tu ne le désires pas autant que moi. Lettre 151. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 3 décembre. Sans doute, marquise, que vous ne me croyez pas assez peu d'usage pour penser que j'ai pu prendre le change sur le tête-à-tête où je vous ai trouvé ce soir et sur l'étonnant hasard qui avait conduit Danceny chez vous. Je m'étonne, je l'avoue, que ce soit moi que vous ayez entrepris de traiter comme un écolier. Oh, qu'avec toute autre femme je serais bientôt vengée. que je m'en ferai de plaisir. Oui, c'est bien pour vous seul que je peux préférer la réparation à la vengeance. Et ne croyez pas que je sois retenu par le moindre doute, par la moindre incertitude, je sais tout. Vous êtes à Paris depuis 4 jours, et chaque jour vous avez vu Danceny, et vous n'avez vu que lui seul. Vous sortez demain toute la journée, m'avez-vous dit ? Mais enfin, vous rentrerez le soir. Et pour notre difficile réconciliation, nous n'aurons pas trop de temps jusqu'au lendemain. Adieu, marquise. Je ne vous dis rien de mes sentiments pour vous. J'attends votre réponse. Lettre 152. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 4 décembre. Tout ce que je peux répondre à votre menaçante lettre, vicomte, c'est qu'elle n'a eu ni le don de me plaire, ni le pouvoir de m'intimider. Et que pour le moment, je suis on ne peut pas moins disposé à vous accorder vos demandes. Au vrai, vous acceptez tel que vous vous montrez aujourd'hui. Ce serait vous faire une infidélité réelle. Ce ne serait pas là renouer avec mon ancien amant, ce serait en prendre un nouveau, et qui ne vaut pas l'autre de beaucoup. Je n'ai pas assez oublié le premier pour m'y tromper ainsi. Le Valmont que j'aimais était charmant. Je veux bien convenir même que je n'ai pas rencontré d'homme plus aimable. Ah, je vous en prie, vicomte, si vous le retrouvez, amenez-le-moi. Celui-là sera toujours bien reçu. Lettre 153. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 4 décembre. Je réponds sur le champ à votre lettre et je tâcherai d'être clair. Chacun de nous ayant en main tout ce qu'il faut pour perdre l'autre, nous avons un égal intérêt à nous ménager mutuellement. Il n'est donc pas ridicule de vous dire que de ce jour même, je serai votre amant ou votre ennemi. C'est maintenant à vous à décider. 2 mots suffisent. Réponse de la marquise de Merteuil. Eh bien, la guerre. Écrite au bas de la même lettre. Lettre 155. Le vicomte de Valmont au chevalier Danceny, ce 5 décembre. J'ai passé 2 fois chez vous, mon cher chevalier. Mais depuis que vous avez quitté le rôle d'amant pour celui d'homme à bonne fortune, vous êtes, comme de raison, devenu introuvable. Vous avez un rendez-vous pour cette nuit, n'est-il pas vrai ? Avec une femme charmante et que vous adorez. Car à votre âge, quelle femme n'adore-t-on pas au moins les 8 premiers jours ? Maintenant, voici ce que vous ne savez pas. Depuis mon retour à Paris, je m'occupais des moyens de vous rapprocher de Mademoiselle de Volanges. Enfin, elle a trouvé dans son amour des ressources qui avaient manqué à mon expérience. Enfin, votre malheur veut qu'elle ait réussi. Depuis 2 jours, m'a-t-elle dit ce soir, tous les obstacles sont surmontés et votre bonheur ne dépend plus que de vous. À présent, jeune homme, quelle conduite allez-vous tenir ? Placé entre la coquetterie et l'amour, entre le plaisir et le bonheur, quel va être votre choix ? Le Danceny d'aujourd'hui préférera-t-il une jeune fille bien timide qui n'a pour elle que sa beauté, son innocence et son amour aux agréments d'une femme parfaitement usagée ? Si, comme je le suppose, vous prenez le parti de l'amour, qui me paraît aussi celui de la raison, je crois qu'il est de la prudence de ne point vous faire excuser au rendez-vous manqué. Laissez-vous attendre, tout simplement. Si vous risquez de donner une raison, on sera peut-être tenté de la vérifier. Adieu, mon cher ami. Lettre 157. Le chevalier Danceny au vicomte de Valmont, ce 5 décembre. Ne doutez, mon cher vicomte, ni de mon cœur, ni de mes démarches. Comment résisterais-je à un désir de ma Cécile ? Ah, c'est bien elle. Elle seule que j'aimerai toujours. Son ingénuité, sa tendresse ont un charme pour moi dont j'ai pu avoir la faiblesse de me laisser distraire, mais que rien n'effacera jamais. Adieu, mon cher vicomte. L'excès de ma joie ne m'empêche point de prendre part à vos peines. Que ne puis-je vous être utile ? Madame de Tourvel reste donc inexorable ? On l'a dit aussi bien malade. Mon Dieu, que je vous plains. Je voudrais causer plus longtemps avec vous, mais l'heure me presse et peut-être Cécile m'attend déjà. Lettre 158. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Ce 6 décembre. Eh bien, marquise, comment vous trouvez-vous des plaisirs de la nuit dernière? N'en êtes-vous pas un peu fatiguée? Convenez donc que Danceny est charmant. Il fait des prodiges, ce garçon-là. Vous n'attendiez pas cela de lui, n'est-il pas vrai? Allons, je me rends justice. Un pareil rival méritait bien que je lui fusse sacrifié. Sérieusement, il est plein de bonnes qualités. Mais surtout, que d'amour, de constance, de délicatesse. L'amitié qui nous unit, aussi sincère de ma part que bien reconnue de la vôtre, m'a fait désirer pour vous l'épreuve de cette nuit. C'est l'ouvrage de mon zèle, il a réussi. Mais point de remerciements, cela n'en vaut pas la peine, rien n'était plus facile. J'espère que vous reconnaîtrez qu'il vaut mieux m'avoir pour ami que pour ennemi. Adieu, marquise, jusqu'à la première occasion. Lettre 159. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 6 décembre. Je n'aime pas qu'on ajoute de mauvaises plaisanteries à de mauvais procédés. Quand j'ai à me plaindre de quelqu'un, je ne le persifle pas. Je fais mieux, je me venge. Adieu. Lettre 160. Madame de Volanges à Madame de Rosemonde, ce 6 décembre. Je vous écris de la chambre de notre malheureuse amie, dont l'état est toujours à peu près le même. La femme de chambre m'a informé que sa maîtresse l'a fait appeler cette nuit et lui a dicté une assez longue lettre. Elle a ajouté que, tandis qu'elle était occupée à en faire l'enveloppe, Madame de Tourvel avait repris le transport, en sorte que cette fille n'a pas su à qui il fallait mettre l'adresse. J'ai pris sur moi d'ouvrir le paquet. J'y ai trouvé l'écrit que je vous envoie, qui en effet ne s'adresse à personne pour s'adresser à trop de monde. Je croirais cependant que c'est à Monsieur de Valmont que notre malheureuse amie a voulu écrire d'abord, mais qu'elle a cédé au désordre de ses idées. Quoi qu'il en soit, j'ai jugé que cette lettre ne devait être rendue à personne. Je vous l'envoie. Lettre 161. La présidente de Tourvel a... dictée par elle et écrite par sa femme de chambre, ce 5 décembre. Être cruel et malfaisant, ne te lasseras-tu point de me persécuter? Ne te suffit-il pas de m'avoir tourmenté, dégradé, avili? Veux-tu me ravir jusqu'à la paix du tombeau? Impitoyable dans sa vengeance, le ciel m'a livré à celui-là même qui m'a perdu. C'est à la fois pour lui et par lui que je souffre. Je veux le fuir en vain, il me suit. Il est là, il m'obsède sans cesse. Mais qu'il est différent de lui-même. Ses yeux n'expriment plus que la haine et le mépris. Sa bouche ne profère que l'insulte et le reproche. Ses bras ne m'entourent que pour me déchirer. Qui me sauvera de sa barbare fureur? Mais quoi, c'est lui? C'est lui que je revois? Oh, mon aimable ami, ne nous séparons plus, ne nous séparons jamais. Pourquoi te refuses-tu à mes tendres caresses? Tourne vers moi tes doux regards. Pour qui prépares-tu cet appareil de mort? Qui peut altérer ainsi tes traits? Que fais-tu? Laisse-moi, je frémis. Dieu, c'est ce monstre encore! Adieu, monsieur. Lettre 162. Le chevalier Danceny au vicomte de Valmont. Ce 6 décembre au soir. Je suis instruit, monsieur, de vos procédés envers moi. Je sais aussi que, non content de m'avoir indignement joué, vous ne craignez pas de vous en vanter, de vous en applaudir. J'ai vu la preuve de votre trahison écrite de votre main. J'espère que vous voudrez bien vous trouver demain à 8h du matin à la porte du bois de Vincennes. J'aurai soin d'y faire trouver tout ce qui sera nécessaire pour les éclaircissements qui me restent à prendre avec vous. Lettre 163. Monsieur Bertrand à Madame de Rosemonde, ce 7 décembre. Madame, c'est avec bien du regret que je remplis le triste devoir de vous annoncer une nouvelle qui va vous causer un cruel chagrin. Monsieur votre neveu a eu le malheur de succomber dans un combat singulier qu'il a eu ce matin avec monsieur le chevalier Danceny. J'étais chez monsieur le vicomte à l'attendre, alors même où on l'a ramené à l'hôtel. figurez-vous mon effroi, en le voyant porté par deux de ses gens et tout baigné dans son sang. Il avait deux coups d'épée dans le corps, et il était déjà bien faible. Monsieur Danceny était aussi là, et même il pleurait. C'est là que monsieur le vicomte s'est montré bien véritablement grand. Celui-là même qui était son meurtrier, il lui a pris la main, l'a appelé son ami, l'a embrassé et nous a dit « Je vous ordonne d'avoir pour monsieur tous les égards qu'on doit à un brave et galant homme. » Lettre 165, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde, ce 9 décembre. Je suis peinée d'avoir à ajouter de nouveaux regrets à ceux que vous éprouvez déjà, mais hélas, il ne vous reste non plus que des larmes à donner à notre malheureuse amie. Nous l'avons perdue hier à 11h du soir. Par une fatalité attachée à son sort, ce court intervalle qu'elle a survécu à Monsieur de Valmont lui a suffi pour en apprendre la mort. Et comme elle a dit elle-même, pour n'avoir pu succomber sous le poids de ses malheurs qu'après que la mesure en a été comblée. Après avoir appris cette mort, elle est restée quelque temps en silence. Enfin, joignant ses mains, « Dieu Tout-Puissant, a-t-elle dit, je me soumets à ta justice, mais pardonne à Valmont. Adieu, ma chère et digne amie. » Lettre 169. Le chevalier Danceny à Madame de Rosemonde, ce 12 décembre. Madame, peut-être trouverez-vous la démarche que je fais aujourd'hui bien étrange, mais je vous en supplie, écoutez-moi avant de me juger. Si vous convenez que la vengeance est permise quand on a été trahi dans son amour, dans son amitié et surtout dans sa confiance, mes torts vont disparaître à vos yeux. N'en croyez pas mes discours, mais lisez, si vous en avez le courage, la correspondance que je dépose entre vos mains. J'ai reçu ces papiers de Monsieur de Valmont lui-même. Je n'y ai rien ajouté et je n'en ai enlevé qu'une lettre que je me suis permis de publier. J'ai cru, en effet, que c'était rendre un véritable service à la société que de démasquer une femme aussi réellement dangereuse que l'est Madame de Merteuil, et qui est la véritable cause de tout ce qui s'est passé entre Monsieur de Valmont et moi. Je crois, Madame, en vous confiant ces papiers, servir aussi bien les personnes qu'ils intéressent qu'en les leur remettant à elles-mêmes. Lettre 170, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde, ce 13 décembre. Je marche, ma chère amie, de surprise en surprise et de chagrin en chagrin. Hier matin, je m'aperçus que ma fille était sortie sans me prévenir. L'après-midi, je reçus une lettre où elle me disait qu'elle avait craint que je ne m'opposasse à la vocation qu'elle avait de se faire religieuse et qu'elle n'avait osé m'en parler. Le reste n'était que des excuses sur ce qu'elle avait pris sans ma permission ce parti que je ne désapprouverais sûrement pas, ajoutait-elle, si je connaissais ses motifs. Lettre 172. Madame de Rosemonde à Madame de Volanges, ce 15 décembre. Il m'est venu, ma chère amie, des éclaircissements que je n'attendais pas et qui n'ont que trop de certitude. Oh, mon amie, combien Madame de Merteuil vous a trompée. Je répugne à entrer dans aucun détail de cet amas d'horreurs, mais quelque chose qu'on en débite, assurez-vous qu'on est encore au-dessous de la vérité. Ce n'est pas sans une peine extrême que je vous fais la prière de ne pas m'obliger à motiver le conseil que vous me demandez relativement à votre fille. Je vous invite à ne pas vous opposer à la vocation qu'elle montre. Après avoir rempli ces pénibles devoirs de l'amitié, je vous demande, ma chère amie, de ne plus m'interroger sur rien qui ait rapport à ces tristes événements. Laissons-les dans l'oubli qui leur convient. Lettre 173, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde, ce 18 décembre. Oh, mon ami, de quel voile effrayant vous enveloppez le sort de ma fille. Que me cache-t-il donc qui me puisse affliger davantage que les affreux soupçons auxquels vous me livrez? De grâce, éclairez-moi. Pour Madame de Merteuil, on m'a raconté la cruelle scène qu'elle a essuyée avant-hier. En arrivant de la campagne, jeudi, elle s'est fait descendre à la Comédie-Italienne où elle avait sa loge. À la sortie, elle entra, suivant son usage, au petit salon qui était déjà rempli de monde. Mais aussitôt, toutes les femmes qui y étaient déjà se levèrent et l'y laissèrent absolument seule. Ce mouvement, marqué d'indignation générale, fut applaudi de tous les hommes et fit redoubler les murmures qui allèrent jusqu'aux huées. On assure que Madame de Merteuil a conservé l'air de ne rien voir et qu'elle n'a pas changé de figure. Quoi qu'il en soit, cette situation a duré jusqu'au moment où on a annoncé sa voiture. Et à son départ, les huées scandaleuses ont encore redoublé. On m'a dit que Madame de Merteuil avait pris la nuit suivante une très forte fièvre, qu'on avait cru d'abord être l'effet de la situation violente où elle s'était trouvée. Mais qu'on sait depuis hier au soir que la petite vérole s'est déclarée. Ce serait, je crois, un bonheur pour elle d'en mourir. Adieu, ma chère et digne amie. Je vois bien dans tout cela les méchants punis, mais je n'y trouve nulle consolation pour leurs malheureuses victimes. Lettre 174. Le chevalier Danceny à Madame de Rosemonde, ce 26 décembre. Le paquet que je vous adresse aujourd'hui, madame, contient toutes les lettres de Mademoiselle de Volanges. Si vous les lisez, vous vous étonnerez peut-être qu'on puisse réunir tant d'ingénuité et tant de perfidie. Je n'ai plus d'amour. Je ne conserve rien d'un sentiment si indignement trahi. Mais cependant, ce cœur si simple, ce caractère si doux, ne se seraient-ils pas portés au bien plus aisément encore qu'ils ne se sont laissés entraîner vers le mal? Quelle autre jeune personne, sortant de même du couvent, aurait pu résister davantage à de si coupables artifices? Pour moi, mon parti est pris. Je pars pour Malte. J'irai y garder religieusement des vœux qui me sépareront d'un monde dont, si jeune encore, j'ai déjà eu tant à me plaindre. Lettre 175. Madame de Volanges à Madame de Rosemonde, ce 14 janvier 1700. Le sort de Madame de Merteuil paraît enfin rempli, ma chère et digne amie. Et il est tel que ses plus grands ennemis sont partagés entre l'indignation qu'elle mérite et la pitié qu'elle inspire. J'avais bien raison de dire que ce serait peut-être un bonheur pour elle de mourir de sa petite vérole. Elle en est revenue affreusement défigurée. Et elle y a même perdu un œil. J'ai entendu dire hier qu'à présent son âme était sur sa figure. Malheureusement, tout le monde trouva que l'expression était juste. Un autre événement vient d'ajouter encore à ses disgrâces. Un important procès qu'elle avait a été jugé avant-hier et elle l'a perdu tout d'une voix. Aussitôt qu'elle l'a appris, elle est partie dans la nuit, seule et en poste. Aucun de ses gens n'a voulu la suivre. On croit qu'elle a pris la route de la Hollande. Ma fille prend demain l'habit de postulante. J'espère que vous n'oubliez pas, ma chère amie, que dans ce grand sacrifice que je fais, je n'ai d'autre motif que le silence que vous avez gardé vis-à-vis de moi. Mon amie, ma fille est donc bien coupable. Vous pardonnerez sans doute à une mère de ne céder que difficilement à cette affreuse certitude. Quelle fatalité s'est répandue autour de moi depuis quelque temps et m'a frappée dans les objets les plus chers. Ma fille et mon amie. Qui pourrait ne pas frémir en songeant au malheur que peut causer une seule liaison dangereuse? C'était « Les liaisons dangereuses » de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. 10e épisode avec Sophie Doll, la marquise de Merteuil, Gabriel Dufay, le vicomte de Valmont, Flora Brunier, la présidente de Tourvel, Lorenzo Lefebvre, le chevalier d'Anceny, Laurence Mercier, Madame de Rosemonde, Evelyne Guimara, Madame de Volanges, Éric Aymon, Monsieur Bertrand. Violoncelle baroque et arrangement, Lisa Herbès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Niort, Bastien Varigo, Félix Levacher, Jean-Mathieu Zande. Thank you.